petits amis d'enfance. On vivait de bien jolies vacances. On jouait le jeu de l'innocence. Silence. Toi et moi, voilà qu'on se retrouve devant toi, voilà que je découvre qu'un ami, petit ami d'enfant. Aujourd'hui tout commence dans tes bras, moi déjà je m'élance, mais je vois à ton doigt une alliance. J'ai compris, il faut que je t'oublie.